الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 17 dans la lecture du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, le livre de Cheikh Ibn Taymiyyah رحمه الله, avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. On est arrivé dans le passage dans le livre où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne, au dernier cours, qu'est-ce qu'on avait mentionné? On avait mentionné on avait parlé des munafiqin. On avait parlé des munafiqin, ceux qui laissent paraître l'islam et qui cachent leur mécréance. Et on avait parlé de la position de certains parmi les juifs et les chrétiens qui disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était seulement envoyé aux Arabes et non à tous les peuples. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que, contrairement au prophète précédent, lui il a été envoyé à tous les peuples, contrairement au messager précédent qui avait été envoyé à un peuple spécifique et particulier. Et donc on avait réfuté à la dernière partie du cours la position des soufis parmi les extrémistes, parmi les soufis qui essaient d'utiliser l'histoire de Moussa avec Khidr comme argument pour essayer de prétendre que, yani, une fois que tu as atteint un certain degré dans la religion, tu n'as plus besoin de te référer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à la sunna. Tu peux avoir un chemin direct à Allah parce que tu as connu Allah, soi-disant. Et donc il mentionne l'exemple de Moussa et de Khidr en voulant dire que Khidr, il suivait pas Moussa alayhi salam, il avait sa propre voix, alors que Moussa est un messager. Et on sait que, comme le cheikh l'a expliqué, les messagers précédents, ils avaient une mission envers un peuple spécifique et non pas envers tous les hommes. Et Khidr ne faisait pas partie de Bani Israël. Khidr ne fait pas partie de ceux à qui Moussa a été envoyé. Et donc il n'est pas obligé de suivre et d'obéir à Moussa alayhi salam. Tandis que si quelqu'un prétend ça aujourd'hui, il essaie d'utiliser le même argument que Khidr à l'époque de Moussa alayhi salam, c'est pas acceptable et ça s'applique pas. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à Moussa, sa mission elle est universelle, elle est pour tous les peuples. Donc quelqu'un peut pas prétendre que oui, moi j'ai le droit de ne pas le suivre, contrairement à l'exemple de Moussa alayhi salam ou un autre prophète précédent qui avait une mission qui était restreinte ou limitée à un peuple en particulier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé Moussa alayhi salam à Pharaon et à Bani Israël, c'est tout, pas les autres. Mais après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi salam, quelqu'un ne peut plus utiliser cette excuse là. Et le cheikh il dit ensuite: أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها أما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها. Donc parmi les soufis, il y en a d'autres également qui disent que eux ils prennent directement d'Allah ce dont ils ont besoin. Donc tout ce qu'ils ont besoin, ils le prennent directement d'Allah. Donc ils n'ont pas besoin de prophète. Et il dit وَيَنْتَفِعُنَ بِهِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ. Ils peuvent profiter de ce qu'ils ont besoin d'Allah directement, sans intermédiaire. Donc, ils n'ont pas besoin de messager. وَأَنَّهُ مُرْسَلٌ بِالشَّرَائِعِ الظَّاهِرَةِ وَهُمْ مُوَافِقُونَ لَهُ فِيهَا. En voulant dire que les messagers, ils sont envoyés avec les règles apparentes de la religion, tandis que les réalités cachées, ils n'ont pas été envoyés avec les réalités qui sont cachées, Donc ça, c'est quelque chose que seulement les initiés parmi les soufis peuvent connaître, parce que eux ils ont une relation directe avec Allah. Donc eux ils connaissent les réalités cachées, tandis que les messagers, eux, alayhimu salatu wassalam, ils ne connaissent que les règles et les lois apparentes de la religion seulement. Donc ça, c'est grave de prétendre une chose pareille. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires là-dessus. Il dit يأخذون عن الله بلا واسطة غلاة الصوفية يقولون نحن نأخذ عن الله أو من الله بلا واسطة أما المسلمون أو سائر الأمم فيأخذون من الله بواسطة الرسل فنحن لا نحتاج إلى واسطة لأننا وصلنا إلى الله ومنهم من يزعم أنه يجلس مع الله ويتفاهم معه ويأخذ منه ويعطيه انظر الضلال وأين يبلغ بالإنسان. Le Cheikh il dit, donc eux ils disent, nous on prend directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Ça, c'est les extrémistes parmi les soufis. Ils disent, on prend d'Allah directement sans intermédiaire. Tandis que le reste des musulmans, le reste des peuples, eux ils prennent d'Allah avec un intermédiaire, c'est-à-dire les messagers. Et eux ils disent, nous on n'en a pas besoin d'intermédiaire, parce qu'on est déjà arrivé avec, on est déjà arrivé à Allah, on a déjà une connexion avec Allah, une relation directe avec Allah. C'est comme si nous on a la ligne directe, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Et parmi eux, il y en a qui prétendent même qu'ils s'assoient avec Allah et qu'ils discutent avec Allah. Quand il y a quelque chose qu'ils acceptent pas ou qu'ils comprennent pas, ils essaient de s'entendre avec Allah sur ces choses-là. Et ils prennent et ils donnent. يأخذ منه ويعطي. C'est-à-dire il prend et il fait des négociations avec Allah subhanahu wa ta'ala sur qu'est-ce qu'il prend et qu'est-ce qu'il prend pas. Yani, regardez jusqu'où l'égarement peut amener quelqu'un parmi les hommes. Donc le cheikh il dit également, ويقولون أنتم تأخذون دينكم عن الأموات أما نحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. أنتم تأخذون دينكم عن الأموات عن الرواة الذين رووا لكم القرآن والسنة أما نحن فنأخذ ديننا عن الله مباشرة عن الحي الذي لا يموت. Donc une autre chose que les soufis, parmi les extrémistes d'entre eux, ce qu'ils disent, ils disent, nous on prend notre religion, ils parlent des gens de la sunna, dites-vous les gens de la sunna, vous prenez votre religion des morts, tandis que nous prenons notre religion du vivant qui ne meurt pas. Donc vous prenez votre religion des morts. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Les narrateurs des hadiths. Donc quand nous on prend un hadith par exemple, et dans le hadith c'est écrit haddathana fulan, haddathana fulan, haddathana fulan, un tel nous a dit, un tel nous a rapporté, un tel nous a dit. Donc ils disent, vous rapportez les hadiths d'un mort qui est rapporté d'un mort, tandis que nous, on prend notre religion directement du vivant, celui qui ne meurt pas, en voulant dire qu'ils prennent directement d'Allah. Donc ça, c'est un autre exemple, yani, de leur exagération et de l'extrémisme qu'ils ont. Yani, donc ça veut dire qu'ils sont des prophètes alors. S'ils prennent directement d'Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont des prophètes. Parce que c'est les prophètes qui prennent d'Allah directement. Et celui qui prétend être un prophète, il n'est pas musulman. C'est pour ça qu'ils n'osent pas dire ça directement. Mais quand tu lis qu'est-ce qu'ils disent, en réalité, tu ne peux pas revenir à une autre conclusion qu'ils pensent vraiment être égal au prophète. Et même dans certains de leurs écrits, ils mentionnent même qu'ils sont meilleurs que les prophètes. Naam. Allah al-musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite, وعندهم فرق بين الشريعة والحقيقة. الحقيقة لا يعرفها إلا هم. أما الشريعة فهي جاءت لإصلاح الناس وهي أمور ظاهرة لإصلاح الناس فقط. ولكن الحقائق لا يعرفها إلا الصوفية. الرسل لا يعرفون الحقائق عندهم. Le cheikh dit également parmi eux, c'est-à-dire parmi les extrémistes, parmi les soufis, eh bien, ils font la distinction dans la religion entre qu'est-ce qui est la loi apparente et qu'est-ce qui est caché de la révélation. Donc ils disent, il y a la charia et il y a qu'est-ce qu'on appelle la réalité, al-haqiqa. Et al-haqiqa, hein, c'est seulement eux qui le connaissent, hein, seulement les initiés parmi les soufis qui peuvent la connaître, cette réalité-là. Tandis que la charia, eh bien ça c'est général. C'est les prophètes, les messagers, le commun des musulmans, hein, et ça c'est venu pour réformer les gens. Hein, c'est des choses apparentes, des choses pour le commun des gens, pour réformer les gens seulement. Tandis que la réalité, elle n'est connue que par eux, les soufis. Et même les messagers ne connaissent pas cette réalité-là. Yani, ça c'est pour eux parce qu'ils distinguent ce qui est apparent de ce qui est caché dans la charia. Allah musta'an. Il dit aw lam yakun ya'rifha aw lam yakun ya'rifha aw hum a'rafu biha minhu wa ya'rifunaha مثل ما يعرفها يعني من غير طريقته أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. Donc eux ils disent également, hein, que les messagers ils n'ont pas été envoyés avec la réalité qui est cachée. Il dit ولم يكن يعرفها, même le messager il connaissait pas cette réalité là. أو هم عرفها هم أعرفوا بها منه ou bien eux ils la connaissent mieux qu'eux, c'est-à-dire les soufis elles connaissent mieux la réalité que les messagers. أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته ou bien ils la connaissent de la même manière que eux mais par une autre voie. Hein? Ils disent, c'est-à-dire que les messagers connaissent aussi bien que les soufis à cette réalité, mais les soufis l'ont connue par un autre moyen, ou une autre voie, pas la même que celle des messagers. Donc le cheikh, il explique cheikh Al-Fawzan à propos de ces points-là, ou de ces trois exemples-là, il dit, hein, la première exemple, il dit, وَهَذَا أَشَدْ هَذِهِ طَرِيقَةُ أَهْلِ التَّجْهِيلِ الذين يقولون إن الرسل ما عرفوا الحقائق وإنما حدثوا الناس بأشياء غير حقيقية لأن صالح الناس لأجل صالح الناس يعني كذبوا لأجل المصلحة كما ذكر شيخ الإسلام في رسالة التدمرية يعني طريقة أهل التجهيل وأهل التضليل. Donc le cheikh il dit, ça c'est pire encore, celui qui dit que les messagers ne la connaissaient pas cette réalité, il dit ça c'est grave, ça veut dire que c'est la voix des gens qui traitent les messagers d'ignorants, hein, ou ils traitent les salafs d'ignorants. Et ils disent les messagers ne connaissaient pas les réalités de la religion et les réalités du Coran. Et il dit, وَإِنَّمَا حَدَّثُوا النَّاسَ بِأَشْيَا غَيْرْ حَقِقِيَّ, ils ont parlé aux gens en leur disant des choses qui ne sont pas réelles, qui ne font pas partie de la réalité. Pourquoi? Pour le bien des gens. En voulant dire les messagers ont menti aux gens pour leur bien à eux. Hein? Comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné ça dans son livre At-Tadmuriyya à propos de ces gens-là. Les gens qui traitent les messagers d'ignorance ou d'égarés. Hein? Et donc, ça c'est quelque chose qui revient souvent chez les soufis. Ils ont cette idée-là. Et chez les batiniyas, ceux qu'on appelle les batiniyas, les sectes ésotériques, comme les ismaïliyas, les nusayriyas, les druzes, hein, les batiniyas, eux ils disent, hein, la réalité de la religion elle est cachée, seulement nous la connaissons, et les messagers, hein, ils ont fait croire aux gens que ces choses-là étaient vraies pour les contrôler seulement. Hein, pour les contrôler, pour gérer la société, il leur a fait croire, hein, le paradis, l'enfer, mais c'est pas réel. Hein, et des choses de ce genre. Donc ça, c'est des gens, en réalité, c'est des gens, ils croient pas en la religion pour de vrai. mais ils font juste, ils se disent musulmans, ils utilisent ça juste comme pour leur intérêt. Ils disent, nous on connaît juste, hein, nous on connaît la religion, la réalité de la religion. C'est pour ça qu'ils ne font pas la salat, ils font pas le jeûne, ils n'appliquent rien de la religion. Hein, parce qu'ils pensent qu'ils sont au-delà de ça. Que ça c'est pour les communs des gens. Eux, ils n'en ont pas besoin. Allah musta'an. Et il dit, ou bien ils pensent qu'ils savent mieux que les prophètes. C'est-à-dire que ou bien les soufis connaissent mieux les réalités que les messagers. Ou ya'rifunaha mithla ma ya'rifuha min ghayri tariqatihi. Yani ya'rifuna al-haqa'iq min ghayri tariqati ar-rasul. Fahum sawa. Ya'rifuna al-haqa'iq hum war-rusul aw war-rasul. Walakin hum 'arafuha la 'an tariq ar-rasul wa innama akhadhuha min Allah mubasharatan. إنسان يبلغ بالضلال إلى هذا الحد ماذا تكون حاله والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit, ou bien ils pensent qu'ils ont connu les réalités mais par une autre voie que celle des messagers. Donc ça veut dire qu'ils se considèrent à égalité avec les prophètes. Ça veut dire oui, les messagers ils ont trouvé une réalité, mais nous on a trouvé la réalité mais par un autre chemin que celle des messagers. Donc on n'a pas besoin des messagers à la fin. Ça veut dire qu'on est à égalité avec eux. Hein? A'udhu billah. Et donc, le cheikh, il dit, donc, eux, ils prétendent connaître la réalité et que les messagers aussi connaissent la réalité, mais eux, ils l'ont connue par une autre voie. Hein? Ils ont pris d'Allah directement, par exemple. Donc, il dit, est-ce qu'un homme peut atteindre un niveau d'égarement aussi grave que cet état-là, hein, que Allah nous préserve? Le cheikh il dit ensuite, وَقَدْ يَقُولُ بَعْضُ هَؤُلَا إِنَّ أَهْلَ الصُّفَّةِ كَانُوا مُسْتَغْنِينَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُرْسَلْ إِلَيْهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فِي الْبَاطِنِ مَا أَوْحَى إِلَيْهِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فَصَارَ أَهْلُ الصُّفَّةِ بِمَنْزِلَتِهِ وَهَؤُلَاءِ من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة الصفة لم تكن إلا بالمدينة سبحان الله. Donc, Cheikh al-Islam, il dit, certains d'entre eux, ils ont dit, les gens de As-Suffa, hein, ils n'ont pas besoin des messagers. Et le messager n'a pas été envoyé pour eux. Et parmi eux, il y en a qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé aux gens de As-Suffa, hein, à l'intérieur d'eux-mêmes, hein, des secrets ou des choses cachées, que Allah a révélé aux prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, dans la nuit de l'ascension. Donc, le prophète est devenu, hein, le prophète et les gens de As-Suffa sont du même degré. C'est grave de dire ça. Il dit, wa ha'ula imin farti jahlihim. Il dit, ces gens-là sont tellement loin dans l'ignorance qu'ils savent même pas que Al-Isra c'était à Mecca, hein, comme Allah, il le dit dans le verset, dans Surat Al-Isra, le verset 1. Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur pendant la nuit de la mosquée à la Mecque, al-Haram, la mosquée sacrée, jusqu'à la mosquée al-Aqsa, autour de laquelle nous avons béni, c'est-à-dire à Jérusalem, hein, la ville de Jérusalem. Donc le cheikh il dit, à Soufa c'était seulement à Médine, il n'y avait pas de Soufa à la Mecque. Donc comment ils peuvent mélanger ça, penser que les gens de As-Suffa, ils ont su qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su pendant Al-Isra, Al-Mi'raj. Tout ça, ça fait pas de sens. Mais bon, le cheikh, il fait des commentaires sur leurs propos. En plus, Ahl-Suffa, vous savez qu'est-ce que c'est Ahl-Suffa? Ah oui, depuis tantôt, je dis Ahl-Suffa. Ahl-Suffa, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la hijra à Médine, hein, il a, première chose qu'il a fait, il a fait construire sa mosquée à Médine. Et il y a des gens qui arrivaient de Médine à chaque fois par la suite, parmi les gens qui venaient faire la hijra pour s'installer à Médine. Et des fois ils arrivaient, ils n'avaient plus rien, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas rien avec eux parce qu'ils étaient pauvres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait désigné un coin dans la mosquée. Ces gens-là qui venaient d'arriver et qui étaient pauvres, il leur a désigné un coin dans la mosquée où ils pouvaient rester pendant que leur situation s'arrange, jusqu'à ce qu'ils soient capables par la suite de s'occuper d'eux-mêmes puis de gérer leur situation. Donc qu'est-ce qui se passe, c'était comme un genre d'endroit où les gens pouvaient rester pendant quelque temps en attendant de s'organiser. Et quand ils étaient organisés, une fois qu'ils s'étaient organisés, ils quittaient Soufa. Et il y en a d'autres qui arrivaient et d'autres qui quittaient. Donc c'était pas toujours les mêmes personnes qui étaient dans Ahl-Soufa. C'était certaines personnes à un moment donné qui arrivaient, après quand certains s'en allaient, il y en a d'autres qui arrivaient des nouveaux. Donc c'était pas un groupe de personnes fixe et spécifique. Et c'est ça que beaucoup d'entre eux ne comprennent pas en fait. Et c'était pas quelque chose que les gens ils disaient, oh moi je veux faire partie des gens de la Soufa. Non, ils n'avaient pas le choix. C'était pas par choix qu'ils étaient là. Et quand ils avaient l'occasion de quitter, eh bien ils s'en allaient et puis ils faisaient leur commerce, ils faisaient leur maison, ils faisaient leurs affaires, puis ils quittaient la Soufa. Donc ça c'est. Alors qu'est-ce que c'est la Soufa, et le cheikh Ibn Taymiyyah il va l'expliquer par la suite, vous allez voir. Donc il dit wa ba'd ghulat as-sufiyya yaquluna ahl as-suffa minna, yani wa sayubayyin ash-shaykh man hum ahl as-suffa hatta inna ba'dahum yaqul inna as-sufiyya ma'khuzatun min as-suffa, yani li'annahum, yani donc le cheikh il dit, certains parmi les extrémistes, parmi les soufis, il dit les gens de la soufa font partie de nous, ils font partie des soufis, prétendent que les gens de soufa sont des soufis. Et Cheikh Ibn Taymiyyah dit, le Cheikh Al-Fawzan il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah va l'expliquer après, qui sont les gens de As-Soufa. Donc c'est pour ça il va détailler là-dessus après. Mais il dit, il y en a même parmi eux qui vont même jusqu'à essayer de prétendre que le mot soufi, ça vient du mot soufa. Ahl-Soufa. Donc ils prétendent que soufi, ça vient de As-Soufa. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il a réfuté ça. Dans son livre, toutes les possibilités qu'ils ont ramenées, comme ils disent que As-Soufi ça vient de As-Safa, ou bien ça vient de Soufa, ou bien ça vient de As-Saf, As-Saf al-Awwal, As-Saf al-Awwal. Il y a toutes sortes d'hypothèses comme ça, ils ont ramené pour essayer de dire d'où vient le mot Soufi. Et le cheikh Ibn Taymiyyah leur a dit, si le mot soufi venait de soufa, on dirait pas soufi, on dirait soufi. Parce que le fa y a un shadda dessus, donc là, cette forme-là, tu devrais dire soufi et non pas soufi. L'autre exemple aussi, comme quand ils disent as-safwa. As-safwa, ça veut dire la meilleure qualité de quelque chose. La crème de la crème de quelque chose. Donc ils disent, soufi, ça vient de Safwa. Et Cheikh Ibn Taymiyyah leur a dit non, parce que si soufi, ça venait de Safwa, on devrait dire Safawi, et non pas soufi. Non, si ça vient de Safwa, on devrait dire Safawi, et non pas soufi. Et ceux qui disent que ça vient de As-Safa, la pureté. Donc ils disent As-Soufiya min As-Safa, de la pureté. Et Ibn Taymiyyah il dit, dans ce cas-là, on ne devrait pas dire Soufi, on devrait dire Safa'i, et non Soufi. Ceux qui disent que ça vient de As-Saf al-Awwal, le premier rang. Les Soufis, c'est le premier rang. Il a dit, non, si c'était As-Saf al-Awwal, alors on devrait dire As-Safi, et non pas As-Soufi. Donc, tout ça, c'est pour dire, yani, comment ils viennent souvent avec des arguments pour essayer de donner des définitions ou des sens au mot soufi. Alors que la réalité, c'est que ça vient de la laine, hein, à souf. Et que parce que ils ont vu des moines chrétiens qui portaient des robes de soie, ou des chemises de pas de soie, mais de la laine, alors ils ont voulu imiter ces gens-là, les moines, alors ils les ont appelés comme ça parce qu'ils portaient les vêtements de laine. Même si aujourd'hui, les soufis ne portent pas des vêtements de laine nécessairement, mais c'est resté. Le nom est resté. Il y en a qui ont dit également que ça vient de Sophia. Sophia, ça vient de Sophia. Sophia du mot grec qui veut dire la sagesse. Hein, parce que la philosophie, ça vient de, hein, l'amour de la philosophie. Hein. Philosophie, yani hubb al-hikma, yani aimer la sagesse. Hein. C'est ça que ça veut dire, philosophie. Aimer la sagesse. Et beaucoup de leurs idées sont inspirées de la philosophie grecque. Sauf que des ulama ont dit à ce sujet-là que la philosophie grecque a été introduite dans le soufisme un petit peu plus tard. Tandis qu'à l'origine, c'était pas nécessairement présent. Donc, certains, ils remettent en question cette explication-là. Non. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh Al-Fawzan, il dit également comme explication, « لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا اللَّهِ فَلَيْسُوا بِحَاجَةٍ لِلْرَسُولِ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ إِلَيْهِمُ الرَّسُولُ مَرَّةٍ قالوا اذهب الى من ارسلت اليهم يعني par rapport au fait que les gens de la ils disent que les gens de la soufa le messager leur a pas été envoyé, ils disent pourquoi, parce qu'ils pensent que eux ils ont connu Allah, ils ont pas besoin d'un messager, hein, et ils rapportent même des histoires, yani subhanallah, que lorsque le messager leur a été envoyé la première fois ou qu'il est venu à eux la première fois, eux, les gens de Soufa ont dit, soi-disant, selon ce qu'ils rapportent eux, que les gens de Soufa ont dit au messager, va, hein, vers ceux pour qui tu as été envoyé. En voulant dire, nous, on n'a pas besoin de toi. Allah al-Musta'an. Et ensuite, à propos de l'autre point, quand il parle du fait que il pense que les gens de Soufa avaient une connaissance comparable à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a fait le mi'raj, il dit yani bi manzilati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam li anna Allah yuhi ilayhim kama yuhi ila ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils prétendent que ils ont mis les gens de Soufa, hein, les soufis, au même degré que le messager, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, hein, ou bien leur a révélé, que Allah leur a révélé comme il avait révélé au messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est de l'égarement total. Il dit également, à propos de leur ignorance, du fait qu'ils ne savent pas que les gens de Soufa, c'était seulement à Médine, après la Hijra, et non pas à Mecca. Tandis que l'Isra ou le Mi'raj, c'était à Mecca, avant la Hijra. Donc le cheikh il dit wa as-suffa bil madinati ba'da al-hijra wa hum yaquluna in hadha kana fi makkah yani laylat al-isra wa laylat al-isra fi makkah yani subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram lam yaqul min al-madinati qabla al-hijra wa as-suffa haqiqatuha annaha darun fi al-masjid جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين الذين ليس لهم مأوى في المدينة يجتمعون فيها ويبيتون فيها ويتعبدون ويطلبون العلم ويطمعون من الصدقات يطعمون من الصدقات ويؤتى إليهم بصدقات والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم مما يصل إليه وهؤلاء هم أهل الصفة فقراء المهاجرين الذين ليس لهم مأوى والذين جاءوا من القبائل لأجل طلب العلم. Donc le cheikh il dit, les gens de As-Suffa, c'était après la Hijra. Et ils disent, hein, les soufis, eux, ils disent que c'était yani, dans la nuit de Al-Isra, hein, pendant la nuit du voyage nocturne à Mecca, comme Allah il le mentionne dans Surat Al-Isra. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, « Min al-masjid al-haram », le voyage nocturne, il a eu lieu de la mosquée, hein, sacré à la Mecque jusqu'à Bayt al-Maqdis et non pas de Médine. Donc c'était avant la Hijra. Et donc la réalité de As-Suffa, comme je disais tout à l'heure, c'est une demeure, hein, un endroit où les gens qui venaient parmi les Muhajirin, qui étaient pauvres, eh bien ils pouvaient trouver refuge à cet endroit-là s'ils n'avaient pas d'endroit où habiter à Médine. Donc, ils se réunissaient à cet endroit-là, et ils dormaient là-bas, et ils faisaient des adorations, et ils recherchaient la science, et ils étaient nourris à partir des sadaqat, à partir des dons, hein, qui étaient faits. Et on leur donnait des sadaqat. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur donnait de ce qui lui parvenait, de ce qu'il recevait. Et il dit, c'est donc, ces gens-là sont des gens de As-Suffa, les pauvres parmi les Muhajirin qui n'avaient pas de refuge. Et il dit, وَالَّذِينَ جَاءُوا, et ceux qui venaient des différentes tribus dans le but de chercher la science, ils habitaient dans la mosquée. On les appelait Ahl-Suffa. Le cheikh, il dit, وَكَانَتْ صُفَّةً فِي شَمَالِ مَسْجِدِهِ في شمال مسجده ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة بل كانوا يقولون تارة بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين ليس لهم منزلة في علم ولا دين بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرينيين الذين اجتووا المدينة أي استوخموها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. Bon, on va expliquer maintenant, ça c'est la parole d'Ibn Taymiyyah qui parle de Ahl-Suffa et qui décrit et qui explique qui ils sont. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait placé les gens de As-Suffa dans le nord de sa mosquée. Dans le nord de sa mosquée. Le nord, ça correspond, hein, à l'arrière. Le nord, ça correspond à l'arrière. Pourquoi? Parce que la Qibla est vers le sud. Parce que Médine est au nord de Mecca. Donc la Qibla, elle est vers le sud. Donc le nord de la mosquée, c'est la direction contraire de la Qibla. Donc il les a mis derrière, au fond de la mosquée. Et c'est l'endroit où tous les étrangers qui n'étaient pas de Médine, lorsqu'ils venaient, ils s'installaient là-bas. S'ils n'avaient pas d'endroit chez qui habiter, de personnes chez qui habiter. Donc par exemple, s'ils n'avaient pas de famille à Médine, s'ils n'avaient pas d'amis à Médine chez qui ils pouvaient descendre, hein, chez qui ils pouvaient rester pendant quelque temps, eh bien, dans ce cas-là, ils venaient et ils s'installaient en premier dans la mosquée. Donc celui qui pouvait trouver un autre lieu où habiter il allait aller là où il peut, tandis que celui qui n'avait pas d'endroit où aller, eh bien, il pouvait toujours rester dans la mosquée, yani, jusqu'à ce qu'il ait la capacité et la facilité de déménager, d'aller à un autre endroit. Donc ça, c'est important, ça. Et c'est-à-dire que c'est pas quelque chose, les gens ils disent ah, je veux être parmi les gens de Soufa, je veux rester dans la mosquée, je veux être parmi les gens à Soufa, hein, comme si les gens aspiraient à ça. Non, mais les soufis, à la façon qu'ils parlent d'Ahl Soufa, c'est comme s'ils parlaient des gens qui étaient parmi les élites des Sahaba et les plus pieux et les plus croyants, et ceux qui étaient les plus forts dans l'adoration, dans la religion et dans la science, et qu'ils voulaient, comme si c'était seulement les meilleurs qui restaient là, alors que ça n'a rien à voir, hein. Ils n'étaient pas là, comme on disait tout à l'heure, par choix. C'est parce que justement ils n'avaient pas le choix qu'ils étaient là. Et il dit ensuite à leur sujet, le cheikh, il dit وَلَمْ يَكُنْ أَهْلُ الصُّفَّةِ نَاسًا عِنْدَهُمْ نَاسًا بِأَعْيَانِهِمْ يُلَزِمُونَ الصُّفَّةِ. Donc il dit que les gens de As-Suffa, c'était pas des gens qui restaient, hein, des gens spécifiques, des personnes spécifiques qui restaient parmi les gens de As-Suffa. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Hein? C'était pas des gens spécifiques qui restaient dans As-Suffa tout le temps. Non, il dit des fois il y en avait moins, des fois il y en avait plus. Ça dépendait des périodes. Et les gens qui venaient s'installer dans la mosquée pendant quelque temps, ils restaient un certain temps, puis après ils partaient. Hein? Ils restaient pas là indéfiniment. Et il dit وَالَّذِينَ يَنْزِلُونَ بِهَا, yani ceux qui s'installaient dans As-Suffa, il dit le cheikh, ils étaient dans la même catégorie, dans le même niveau, et ils n'avaient pas de particularité par rapport aux autres musulmans, ni dans la science, ni dans la religion. D'accord? Ils n'avaient pas de particularité par rapport aux autres parmi les sahaba. Hein? Contrairement à ce que veulent faire croire les soufis. Il dit même que parmi eux, parmi les gens de As-Suffa, il y en a même qui ont apostasié l'islam. Il y en a même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exécuté. Et il mentionne comme exemple Al-Urayniyin, alladhina ijtawaw al-Madina. Yani wa fa amara lahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bilaqahin. Donc il dit l'exemple de ça, c'est ce qu'on appelle Al-Urayniyin. C'est des gens qui sont venus s'installer à Médine, puis qui sont tombés malades à cause du climat, puis que par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait boire du lait de chameau mélangé avec de l'urine de chameau. C'était un remède que les gens buvaient pour guérir certaines maladies. Et ils ont bu ça, puis après ils ont fait des crimes, ils ont tué un berger, ils ont volé des chameaux, ils sont partis avec. Finalement il y a un autre sahabi qui est parti à la course, qui les a rattrapés, qui les a tous ramenés avec les chameaux. Naam, j'ai oublié son nom, mais il est connu dans la sira. Naam. Donc ça c'est pour dire que Ahl-Suffa, ils n'avaient rien de particulier, en fait. C'était pas des gens qui avaient quelque chose de particulier par rapport aux autres parmi les sahaba dans la religion. Et Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point-là, il dit « وَكَانَ بَلْ كَانَ يَذْهَبُ نَاس وَيَأْتِ نَاس وَلَيْسَتْ خَاصَةً بِنَاسٍ مُعْيَنِينَ » يعني مسكن للوافد والقادمين المدينة. Donc le cheikh il dit, il y a des gens qui venaient, il y a d'autres qui partaient, et c'était pas des gens spécifiques qui restaient tout le temps. C'était un lieu dans lequel habitaient les gens qui venaient de l'extérieur, qui venaient à Médine qui n'avaient pas d'endroit où rester. Comme un genre d'hôtel, un peu comme un hôtel, hein? L'hôtel, un hôtel temporaire. un endroit pour s'abriter pendant quelque temps jusqu'à ce que tu t'organises. Et il dit également, le cheikh dit, وَالَّذِينَ يَنْزِلُونَ فِي الصُّفَّهُمْ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ. Donc c'était les pauvres parmi les muhajirines. لَيْسَ لَهُمْ مَزِيَّةٌ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الصُّفَّةِ. Ils n'avaient aucune particularité ou aucun trait meilleur de particulier par rapport aux autres parmi les sahaba qui ne faisaient pas partie de Ahl al-Suffa. Ils étaient tous équivalents dans la science et dans la foi. Le cheikh il dit ensuite, Ibn Taymiyyah, أي إبل لها لبن وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس وفيه أنهم نزلوا الصفة. Donc le cheikh il explique, il dit qu'ils sont tombés malades à Médine. Les Al-Urayniyin, ce qu'on appelle Al-Urayniyin, sont tombés malades à Médine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de boire le lait de chameau avec de l'urine de chameau. Et ils faisaient partie de Ahl al-Sufa, ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont été guéris? Une fois guéris, ils ont tué le berger ou celui qui s'occupe des chameaux. Et ils ont volé le troupeau de chameaux avec eux, puis sont partis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les rattraper, et ils les ont ramenés. On les a ramenés par la suite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a punis, une punition sévère, pour le crime qu'ils ont, le meurtre qu'ils ont fait et tout. Donc il les a abandonnés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné qu'on leur coupe la main et la jambe opposée, comme le verset dans sourate Al-Ma'ida. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. Donc la rétribution pour ceux qui font la guerre à Allah et à son messager et qui sèment le désordre sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou qu'ils soient crucifiés. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. Ou qu'on leur coupe les mains et les jambes opposées. أو ينفوا من الأرض. Donc il leur a coupé la main et la jambe, la main et le pied, et ils les ont crevé les yeux également, et ils les ont abandonnés dans Al-Harra. Al-Harra, c'est quoi Al-Harra? C'est les deux. Médine, elle est entourée à l'est et à l'ouest par ce qu'on appelle Al-Harra. On appelle Harra al-Sharqiyya ou Al-Harra al-Gharbiyya. Et Al-Harra, c'est des pierres volcaniques. C'est un champ de pierres volcaniques. D'accord? Donc Médine, à l'est et à l'ouest, elle était entourée de ces pierres volcaniques, des pierres noires. D'accord? Et donc, ils les ont abandonnés dans cet endroit-là. Et puis, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et on dit dans ce hadith qu'ils étaient parmi les gens qui s'étaient installés à Soufa au début. Quand ils sont arrivés à Médine, ils faisaient partie des gens de Soufa. Donc si on devrait croire en ce que dit les soufis, à propos du fait qu'eux, ils pensent que les gens de Soufa, hein, ils ont un degré particulier ou qu'ils sont comme le prophète, au même degré que le prophète, hein. Donc tu vois que ça c'est complètement faux là, et qu'ils n'ont rien compris de qu'est-ce que signifiait Ahl al-Suffah. Le cheikh il dit donc, par rapport au fait de boire le lait et l'urine de chameau, il dit لأن أبوال الإبل وألبان الإبل فيها علاج للحمى بإذن الله. لما ولم ولم ولما فعلوا بالراعي هذا الفعل قتلوه وسمروا أعينهم وأعينه فسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى عليهم القصاص وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي وهم قطعوا أطراف الراعي قطعوا يديه ورجليه وسمروا عينه وقتلوه والنبي صلى الله عليه وسلم أجرى عليهم القصاص وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي. Donc c'est ça. Pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم les a châtiés de cette façon? C'est parce que eux-mêmes, c'est ça ce qu'ils avaient fait aux bergers. Ils avaient fait ça aux bergers en fait. Donc le cheikh explique que le fait de boire l'urine et le lait de chameau, ça, il y a dans ça une guérison pour la fièvre, par la permission d'Allah. Il dit, étant donné qu'ils ont, c'est ce qu'ils avaient fait au berger, celui qui s'occupait des chameaux, hein, eh bien, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué, ils ont crevé ses yeux, et ils ont coupé ses mains et ses pieds. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a attrapés, il leur a fait la même chose que qu'est-ce que eux avaient fait à ce berger là. Ils ont fait le qisas, il a appliqué le qisas sur eux, c'est-à-dire la peine du talion. Le talion, c'est-à-dire ce que tu as fait, c'est ça que tu reçois, là, c'est la justice, yani, du fait que toi tu as fait quelque chose à quelqu'un, ben c'est ça ce qu'on te fait. Donc ils ont fait ça au berger, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que la même chose leur soit faite. Sauf qu'il les a pas exécutés, il les a abandonnés comme ça. Et puis, contrairement à eux qui avaient tué le berger, lui il les a pas tués. Yani, subhanallah. Il dit wa kana yanziluha mithlu ha'ula'i wa yanziluha min khiyar al-muslimin. Yani Sa'd ibn Abi Waqqas هو أفضل من نزل بالصفة ثم انتقل عنها ونزل أبو هريرة وغيره وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة. Donc le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah il dit que il y avait parmi les gens comme ça, il y a des gens comme ça qui sont venus à Soufa. Par contre aussi, il y a eu parmi les meilleurs musulmans qui sont venus et qui ont habité à un certain temps dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens de Soufa. Et il donne comme exemple Sa'd ibn Abi Waqqas, qui était un des meilleurs parmi les sahaba, hein, un des promis au paradis. Et il dit, il est un des meilleurs parmi ceux qui ont été parmi les gens de As-Suffa, dans la mosquée. Il dit, puis par la suite, il l'a quitté. Il a déménagé, il n'est pas resté définitivement là-bas. De même que Abu Huraira aussi, il a resté dans As-Suffa. Et d'autres aussi, parmi les Sahaba. Il dit, il y a même un savant qui s'appelle Abu Abdurrahman As-Sulami, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'histoire de ceux parmi les sahaba qui ont habité dans As-Suffa. » Il dit, tandis que les Ansar, eux, les habitants de Médine, il n'y en avait pas parmi eux des gens de As-Suffa. Pourquoi? Parce que ils sont chez eux. Ils n'ont pas besoin d'habiter quelque part quand ils viennent. Ils sont chez eux à Médine déjà. Ceux qui faisaient partie de As-Suffa, c'est les gens qui viennent de l'extérieur de Médine. Tandis que les Ansar, ce sont les habitants de Médine. Donc ils n'ont pas besoin, hein, d'habiter dans As-Suffa. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ça. Yanzilu biha min afdal as-sahaba ka Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abi Huraira wa ghayrihi min fadala as-sahaba ila an yastaghni anha thumma yantaqilu minha. Donc parmi les meilleurs d'entre les sahaba, comme on a dit, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Huraira, et d'autres parmi les meilleurs parmi les sahaba. Et une fois qu'ils étaient capables de se passer de As-Suffa, ils déménageaient, ils allaient habiter dans leur propre maison. Wa Abdurrahman As-Sulami min al-Ubbad, min al-Mutasawwifa. فجمع تاريخ من نزل الصفة بتراجمهم وأسمائهم وكونه في كتاب وكونه في كتاب. Il dit le cheikh que Abd al-Rahman al-Sulami, il fait partie des adorateurs et qu'il faisait même partie des mutasawwifa, il fait partie des sofia. Il a écrit un livre dans lequel il a rassemblé les biographies et les noms de ceux qui ont habité dans As-Suffa, et il les a mis dans un livre. Ensuite, le cheikh, il commente également un autre point. Il dit, à propos des Ansar, le fait qu'ils habitaient pas dans As-Suffa, il dit, « Al-Ansar hum ahlu d-dar min qabl, yani wal-ladhina tabawwa'u d-dara wal-imana min qablihim, yani hum ahlu d-dar, lahum buyut, لهم مزارع فليسوا بحاجة إلى الصفة الصفة إنما هي للحاجة فقط لا من أجل مزية في الولاية كما يزعم هؤلاء فقد يكون الذي لم ينزل الصفة أفضل من الذي نزل بها وليس لها فضيلة ولا ميزة أبدا. Donc il dit le cheikh que les Ansar, eux, étaient les habitants de Médine. Donc ils n'avaient pas besoin d'habiter dans As-Suffa. Hein. Ils ont des maisons, ils ont des champs de ils cultivent des dattes et autres. Hein. Ils ont de l'agriculture et tout. Ils n'ont pas besoin de As-Suffa. As-Suffa, c'était seulement pour ceux qui en avaient besoin de ça seulement. Et il n'y a, dans le fait d'être dans As-Suffa, il n'y a pas de particularité par rapport au fait d'être un wali. Ou d'être un wali parce que t'as habité dans As-Suffa, t'es un wali. Non. Il n'y a pas de relation entre les deux. Hein? Contrairement à ce que prétendent ceux-là. C'est-à-dire, les soufis, qui prétendent ce genre de choses, ça c'est totalement faux. Et il dit, peut-être que ceux qui n'ont jamais habité dans As-Suffa, certains d'entre eux peuvent être meilleurs que ceux qui ont habité dans As-Suffa. Donc il n'y a pas de particularité dans le fait d'être resté parmi Ahl As-Suffa. Il dit ensuite, وَكَذَلِكَ أَكَابِرُ الْمُهَاجِرِينَ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرْ وَعُثْمَانِ وَعَلِي وَطَلْحَ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَغَيْرِهِمْ لم يكونوا من أهل الصفة وقد روي أنه بها غلام للمغيرة ابن شعبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واحد من السبعة وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم. Donc le cheikh il dit donc le cheikh il dit, de même que parmi les grands, parmi les muhajirin, comme Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaida, hein, et d'autres. Ça c'est tous des mubashirin bil Jannah. Hein. Ils n'étaient pas parmi les gens de As-Suffa. Ils n'ont pas fait partie de Ahl As-Suffa. Et le cheikh il dit, فليس من نزل الصفة يكون له مزية وإنما نزلها بقدر الحاجة فقط لا لأن له مزية على غيره من الصحابة فقد يكون من الصحابة من لم ينزلها أفضل مثل سادة المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وكذلك الأنصار كلهم ما نزل أحد منهم في الصفة وهم من أفضل الصحابة بعد المهاجرين. Donc le cheikh il résume tout ce qu'on a dit encore. Il résume la même chose de qu'est-ce qu'on vient de répéter, que parmi les plus grands sahaba, ils n'ont pas été parmi Ahl As-Suffa. hein, et il mentionne les noms des sahaba qu'on a déjà cités, puis après il dit également parmi les ansar, aucun d'entre eux n'a fait partie des gens de Soufa, pourtant c'est parmi les meilleurs parmi les sahaba. Et il dit ensuite, à propos de la suite, il dit, et il a été rapporté, hein, il a été rapporté qu'il y avait parmi les gens de As-Suffa un jeune, un esclave, hein, ou un servant qui appartenait à Al-Mughira ibn Shu'ba. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à son sujet, celui-ci est un parmi les sept. Hein? Et qu'est-ce qu'il veut dire parmi les un parmi les sept, c'est-à-dire les sept pôles chez les soufis, hein, ils croient en des trucs comme ça. Et je vais vous expliquer après. Donc il dit, Cheikh l'Islam, il dit ce hadith-là, il est complètement faux. C'est un hadith fabriqué, un mensonge. Selon tous les hommes de science, hein, c'est un hadith kadhib, mensonge. Et c'est même pas authentique. Donc, le cheikh, il explique par rapport à cette question des sept. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit, بِالصُّفَّةِ يَعْنِي السَّبْعَةِ الْأَقْطَابِ عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ وَهَذَا وَاحِدٌ مِنَ السَّبْعَةِ يَعْنِي الْأَقْطَابِ لِأَنَّ الصُّوفِيَّةِ عِنْدَهُمْ أَقْطَابِ وَأَوْتَادِ وَمَا أَدْرِي مَاذَا يعني ترهات وهذا الحديث كذب ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من السبع وليس هناك سبعة. Donc le cheikh explique que les gens parmi les soufis, ils prétendent que il y a des hommes qu'on appelle rijal ul ghaib, les hommes cachés, les hommes invisibles, et que ces hommes-là, ils forment un conseil, et à la tête il y a un qutb, le pôle, puis il y a les autad, hein, c'est comme une genre de pyramide là. Puis que c'est eux qui contrôlent l'univers, c'est eux qui contrôlent le monde. Ils ont ces croyances là. Et donc ils disaient que ils attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit celui-là est un des sept, en voulant dire un des sept pôles. Hein, il dit ça, c'est Cheikh Al-Fawzan, il dit ça, c'est totalement faux. Il dit les soufis, ils croient en ce genre de choses là. C'est quoi ça? C'est des superstitions, yani. Ça n'a rien de vrai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça. Il n'y a pas de sept pôles ou des choses comme ça. Naam. Le cheikh, il dit ensuite, wa in kana qad rawahu Abu Nu'aym fil Hilya wa kadha kullu hadith yurwa 'ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi 'iddat al-awliya wal abdal wal nuqaba. Donc il dit de même que même si c'est rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya, yani le livre qui s'appelle Hilyatul Awliya de Abu Nu'aym, mais il y a dans ce livre plein d'histoires fabriquées, des histoires fausses à propos de certains qui sont considérés par les soufis comme étant des saints ou des awliya. Il dit de même que tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du nombre des awliya, le nombre, combien il y a de saints, combien il y a de awliya, ou combien il y a de abdal ou de nuqaba, tout ça c'est des titres qu'il donne à certains saints, des degrés de sainteté, al-nuqaba, al-abdal, al-aqtab, hein, al-autad. Donc tout ça c'est des choses fausses. Il dit wa Abu Na'im rahimahullah lahu kitab ismuhu Hilyatul Awliya wa fihi tarajum al awliya wa qad yakun fihi shay min al ma'akhidh mithlu ma dhukira mithlu ma dhakara aw mithlu ma dhukira yani hadhihi al riwaya وهي باطلة وليست صحيحة. Donc le cheikh, il dit, Abu Nu'aym, il a écrit un livre qui s'appelle Hilyatul Awliya. Le titre, ça veut dire la parure des saints. Ça, c'est le titre du livre. Et dans ce livre, il y a les biographies de certains qui sont appelés ou considérés comme étant des awliya ou des saints. Et par contre, ce livre-là, il a beaucoup de comment je pourrais dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer de ce livre. C'est ça que le cheikh il dit. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points qu'on peut critiquer dans ce livre. Et il dit, l'exemple c'est, hein, comme qu'est-ce qu'il a rapporté là, par rapport aux sept tout à l'heure. Donc ça c'est un exemple d'un hadith qui est faible, qui est pas authentique. Donc c'est ça qu'on reproche beaucoup à ce qui est rapporté dans ce livre-là. Il y a des choses qui sont fausses dedans. Donc il mentionne aussi d'autres exemples de ce genre de titres de sainteté là, comme il donne. Et la semaine prochaine, inchallah, je vais me rappeler pour vous ramener les explications par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est pour eux les soufis, Rijal al-Ghayb, qu'est-ce que ça veut dire, pour voir pour que vous voyez, yani, comment ils disent n'importe quoi. Yani. Il dit « Wal-Nujaba, Wal-Autad » donc c'est ça. C'est « Al-Awliya » yani « Iddatul Awliya » « Wal-Abdal » « Wal-Nuqaba » « Wal-Nujaba » « Wal-Autad » « Wal-Aqtab » يعني مثل أربعة أو سبعة أو اثنى عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. Donc le cheikh il dit, tous ces termes qu'ils ont inventés pour désigner les différentes catégories de saints et leur nombre, combien ils sont, hein, parmi ces hommes cachés, comme ils les appellent, que ce soit 4, hein, le nombre de 4, ou de 7, ou de 12, ou de 40, ou de 70, ou de 300, ou de 313, hein, ou bien un qutb. Hein, le qutb unique. Il dit, il n'y a rien d'authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Et les salafs n'ont jamais rien mentionné de ce genre de termes, hein, et d'appellations. Le seul terme parmi ces termes-là qui a été peut-être rapporté, c'est le terme al-abdal. Le terme al-abdal, et qu'est-ce qui a été dit à ce sujet? Ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que les soufis, hein, ont prétendu à ce sujet. Donc Cheikh Al-Fawzan il commente ce point-là. Il dit هذه من اصطلاحات الصوفية إلا الأبدال قد جاء فيهم حديث قوي ولكن الأبدال معناه الذي كلما ذهب واحد يأتي بدله واحد كلما مات واحد منهم يأتي بدله واحد. الله أعلم بصحة هذا ولكنه أحسن ما روي في هذا الباب ولكن قال إن الأبدال بالشام وهذا سيناقشه الشيخ. Donc le cheikh il dit que les termes qu'ils ont mentionnés sont des termes qui font partie des terminologies des soufis. Al-Abdal, c'est le pluriel de Badal. Al-Nuqaba, Al-Nujaba, Al-Autad, c'est le pluriel de Watad. Al-Aqtab, c'est le pluriel de Qutb. En tout cas, tous ces termes-là, c'est des termes soufis. Hein? Et il n'y a rien qui a été rapporté de ces termes-là dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, excepté Al-Abdal. Il dit, sauf que la signification de al-abdal, c'est, il dit que c'est le pluriel du mot badal, qui veut dire que chaque fois qu'il y en a un qui part, il y en a un autre qui vient prendre sa place. Hein? Quand un meurt, un autre vient prendre sa place. C'est ça que ça veut dire. Et il dit, Allahu a'lam, Allah sait mieux, est-ce que ça c'est vrai ou non? Est-ce que c'est authentique ou non? Il dit, mais c'est le mieux de, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux parmi ce qui a été rapporté dans ce, dans ce, dans cette question-là, ou dans ce chapitre-là, ou dans ce sujet-là. Et il dit, walakin, hein, mais par contre, il a dit que les Abdal sont dans Asham, la région du Asham. Et le cheikh, il va discuter cette question-là plus en détail. Donc, en note de bas de page, ils ont mentionné des définitions pour ces termes. Al-Nujaba, Al-Autad, Al-Qutub. Tout ça, je vais vous en donner plus de détails au prochain cours, Inch'Allah. Il dit, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette semaine, pas pour cette semaine, mais pour aujourd'hui, parce que demain, on va continuer. Donc, demain, je vous ramènerai les détails des explications à ce sujet-là. Et puis vous allez voir, vous allez comprendre plus clairement, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.